Je compte les étoiles qui filent dans le ciel. Je compte les étoiles qui brillent dans le ciel. Je compte les étoiles qui tracent dans le ciel. Je compte les étoiles qui font une trace dans le ciel. Je vais pas laisser ma trace dans le ciel. Je dis pas de ce qu'on efface dans le ciel. Je suis qu'un bloc de glace. Je ne laisse pas de traces quand